إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. On continue avec les versets qui suivent Ayat al-Kursi. Et ce soir, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ikraha fi d-din, qad tabayyana rushdu min al-ghay. Nulle contrainte en religion, car le droit s'est distingué du faux ou de l'égarement. Faman yakfur bi taghut wa yu'min billah. Quant à celui qui renie le taghut, et on expliquera par la suite ce qui est voulu par ce mot-là, tout en ayant la foi en Allah, فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Il s'est certes accroché au lien solide, au nœud solide, qui ne connaîtra pas ou qui ne connaîtra pas de, qui n'est pas sujet à la rupture. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Et Allah est audient et omniscient. تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Avant d'entreprendre en fait l'étude de ce verset même, on aimerait revenir en fait à la cause qu'on a mentionnée auparavant, ou à ce principe qu'on a mentionné qui est clair dans le Coran, c'est al-munasaba, munasabat al-ayat, ba'duha bi-ba'd, le caractère adéquat des versets les uns avec les autres. On a mentionné que dans le Coran, c'est parmi les signes du miracle dans le Coran, c'est que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tout est adéquat. Il y a des choses. Le verset est adéquat. Le début du verset, il est adéquat à sa fin. Le verset qui vient, par la suite, il est adéquat avec le verset qui l'a précédé. Le début de la sourate, il est adéquat avec la fin de celle-ci. Le début du Coran, il est adéquat avec la fin de celui-ci. Et plus on regarde, plus on va s'approfondir dans l'étude du Coran, et plus on va être ébahi par cela, et même humilié par ce fait que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement adéquate. Allah azza wa jal, dans Ayat al-Kursi, le verset du Kursi, c'est le verset qui te parle, qui t'explique quoi ? Te parle de qui ? Allah. D'Allah subhanahu wa ta'ala. Te parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'une manière évidente, on a vu, Ayat al-Kursi, on a vu qu'elle se divise en 10 phrases. 10 phrases. Et que chacune de ces phrases, elle est adéquate avec celle qui vient, avec celle qui précède, la première avec la dernière. On a vu toutes ces liaisons-là. Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait mis la question de la foi au clair et qu'il ait mis sa création dos au mur, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas renier cela, et il vient et il mentionne ce principe que la ikraha fi d-din. Il n'y a pas de contrainte en religion. Ce verset-là, il est parfaitement adéquat. Après l'avoir fait précéder par une explication parfaite et détaillée de qui est Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des univers, il n'y a qu'une personne qui est insensée, qui est folle, ou bien une personne dont Allah azza wa jalla a voilé son cœur qui peut renier cette foi après cette explication. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « La ikraha fi d-din ». Nulle contrainte en religion. Donc ce verset-là est parfaitement à sa place après cette explication détaillée qui vient de le précéder. Quant au verset lui-même en soi, Allah subhanahu wa ta'ala dit « La ikraha fi d-din ». Cette phrase-là, « Nulle contrainte en religion », c'est une négation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Ça veut dire que, d'un, on n'a pas le droit de contraindre les gens à la foi, et de deux, ça n'existe pas, ce n'est pas possible de contraindre une personne à la foi. Car sa foi, s'il y a consenti par contrainte, elle ne lui sera d'aucune utilité. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama li kulli imri'in ma nawa. » Les actes ne valent que par le biais de leur intention. Et à chaque homme atteindra ce qu'il atteindra selon l'intention qu'il avait. Et dans ce sens-là, La foi ne t'est d'aucune utilité si tu as été contraint ou si tu ne la désires pas, si tu n'y conspires pas toi-même. Exemple de cela, d'une foi qui est inutile, d'une pratique religieuse qui est inutile, la pratique de l'hypocrite, el munafiq. L'hypocrite, sa pratique religieuse et le fait qu'il expose la foi devant les gens alors qu'il mécroit dans son cœur, ceci ne lui sera d'aucune utilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah azza wa jal dit Inna al-munafiqina fi d-dark al-asfali min an-nar. Les hypocrites sont certes dans le bas-fond de l'enfer. Ils sont voués à l'étage le plus bas, hein, au degré le plus bas de l'enfer, c'est ce qu'Allah azza wa jal leur a destiné. Dans l'autre sens aussi, hein, la mécréance d'un homme qui ne mécroit pas dans son cœur, mais il mécroit par contrainte, elle ne lui nuit en rien. Dans le sens opposé, l'homme qui mécroit parce qu'il a été contraint par la vie, on l'a menacé de le tuer, une personne qui le menace et qui est capable et qui va le faire, c'est-à-dire c'est pas juste des mots, hein, et que la personne expose ou expose une mécréance sur sa langue ou sur ses actes, ou se prosterne à une statue parce qu'il a été contraint, ceci ne nuit en rien à sa foi. Allah subhanahu wa ta'ala dit illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Si ce n'est celui qui est contraint alors que son cœur est empli de foi. Donc ici, on voit que le fait de contraindre les créatures d'Allah ne leur apporte rien et ne leur nuit en rien. Dans un sens, de contraindre une personne à la foi, ça lui apporte rien. Et de contraindre une personne à la mécréance s'il a la foi, ceci ne lui nuira en réalité en rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, la phrase qui vient après, de nouveau, on voit le caractère adéquat du Coran. Nulle contrainte en religion. قَدْ تَبَيَّنَا الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْنِ. Pourquoi ? Pourquoi il n'y a pas besoin de contraindre les gens ? Car la foi, la voie de la foi, elle est claire. Elle est trop évidente pour qu'il y ait besoin de contraindre les gens. Il n'y a aucune utilité de les contraindre. C'est une chose qui est évidente. Le fait qu'Allah Azza wa Jal soit le créateur des cieux et de la terre, c'est évident. Le fait qu'Allah Azza wa Jal soit celui qui pourvoit ses serviteurs, c'est évident. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala domine et cerne de toutes parts sa création, c'est évident. Et que les créatures sont soumises à Allah, hein, volontairement ou involontairement, c'est évident aussi. Ne vois-tu pas qu'il se peut qu'une personne soit médecin et qu'elle-même, elle meurt. Elle ne possède pas de remède pour sa propre personne. Ou bien il se peut qu'il soit médecin spécialisé dans un domaine, cardiaque ou le cancer, et que lui-même meure d'une crise cardiaque ou d'un cancer. Il ne possède rien. Hein? Et il n'y a pas une parmi les créatures, si ce n'est qu'elle viendra à Allah en tant que soumis. Soumis volontairement ou involontairement. Volontairement, ceux qui ont la foi et se soumettent, hein, et involontairement, c'est ceux qui sont de toute façon soumis, comme toute créature, croyant ou pas, ils sont soumis à la volonté divine. Ils sont soumis à la volonté divine. Donc, ces choses-là sont évidentes. Et qu'on le croit, on comprend et médite sur cela, ceci le pousse à s'attacher à son Seigneur et à rechercher l'agrément de ce Seigneur-là. C'est pour ça qu'Allah, j'ai dit, « La ikraha fid din, qad tabayyana rushdu min al-ghay. » Il n'y a nul, si on veut traduire le sens réel du verset, il n'y a aucune utilité à de contraindre les gens à la foi ou à la religion. Ceci car le droit ou le vrai, le droit c'est distingué du faux ou de l'égal. Il n'y a aucune utilité, ni pour lui, ni pour toi. Et ni c'est légitime pour lui, ni c'est légitime en religion, en islam, de contraindre une personne à la foi. Ensuite, le din, le mot din dans le Coran, lorsqu'il vient, ad-din, il vient sous deux sens. Des fois, il vient, on entend le mot din dans le Coran et on veut par cela les actes. Et des fois, il vient et on veut par cela la rétribution. Quant aux actes, comme dans la parole d'Allah Azza wa Jal, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Quant à celui qui désire une autre religion que l'islam, ici le dîn, c'est la religion, les actes, ceci ne sera pas accepté de lui, il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Ou bien, وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ dina, et j'agrée l'islam comme religion, comme acte, comme manière de me vouer un culte pour vous. Quant au din, lorsqu'il vient et qu'il veut par, on veut par cela la rétribution, comme dans Maliki Yawmiddin, surat al-Fatiha, maître du jour de la rétribution. Ou bien dans la parole d'Allah Azzawajal, وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. Ah, que sais-tu ce qu'est le jour de la rétribution? Encore une fois, que sais-tu ce qu'est le jour de la rétribution? Ici, le mot din, il vient et puis il a ses deux sens dans la langue arabe. Quant au din, d'une manière religieuse, lorsqu'on veut par cela la religion et les actes, c'est ce à quoi ton cœur est convaincu, ce sur quoi ton cœur est convaincu, et la mise en pratique de ce qu'implique ta conviction. Ça, c'est ce qu'on appelle din. Hada dini adinullah bi. Ça, c'est mon din, et je voue un culte à Allah par cette conviction que j'ai. Par cette conviction que j'ai. Ou ce que je mets en pratique, ce qu'implique ma conviction. Ça, c'est ce qu'on appelle le din. Et dans le verset, la ikraha fi din, il n'y a pas de contrainte dans le din. Ici, ce qui est voulu par cela, c'est les actes, c'est la religion. Tu ne peux pas contraindre une personne à devenir musulmane, et c'est ce qui est voulu par le verset. Et ici, c'est Allah subhanahu wa ta'ala a défini la religion. Il a dit il n'y a pas de contrainte dans la religion. Il n'a pas dit il n'y a pas de contrainte dans une religion. Hein? C'est venu d'une manière définie. Et ce qui est voulu par cela, c'est dans la religion de l'islam, il n'y a pas de contrainte. Donc, ô vous croyants, cette religion que vous connaissez, il n'y a aucune utilité à ce que vous contraigniez les gens à devenir croyants. Et il ne vous est pas permis de contraindre les gens à la foi. Est-ce toi, Muhammad, qui va contraindre les gens à ce qu'ils, jusqu'à ce qu'ils aient la foi? Ce n'est pas permis en islam. Ni c'est permis, ni c'est utile. Donc ni c'est permis et ni c'est utile. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit il n'y a pas de contraintes en religion. قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْبِ. Car le rushd, la droiture, s'est distingué de l'égarement. Et ici, التَبَيُّن, Cheikh Ibn Uthaymeen dit, lorsque Allah Azzawajal dit, ceci se distingue de cela, ça veut dire la distinction et la clarté. C'est que c'est clair. Hein? La voie du droit chemin, elle est claire. La voie de l'égarement, elle est claire. Et on tire aussi de cette partie du verset qu'il n'y a pas trois voies. Il n'y a pas trois voies. Il n'y a pas un chemin entre les deux. Il n'y a pas de manzila bayna al-manzilatayn. Imma huda, imma dalala. Ou guidé, ou égarement. Il n'y a pas de politique en religion. Tu ne peux pas t'asseoir sur deux chaises. Ou tu choisis la voie de la foi, et tu es honnête, et tu es véridique. Ou tu choisis la voie, une autre voie que celle-ci, mais tu ne peux pas mélanger entre les deux. Car Allah Azzawajal n'a pas permis aux ténèbres et à la lumière de se rassembler. Il n'a pas permis au levant et au couchant de se rapprocher. La yajtami'ani abada. Ils ne se rassembleront jamais. C'est ainsi que la guidée et l'égarement ne se rassembleront jamais. C'est une épreuve. Et Allah Azzawajal dit وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Et nous l'avons orienté en lui proposant les deux voies. Imma shakir, imma kafur. Il va se montrer ou bien reconnaissant ou alors ingrat. Il n'y a pas d'entre deux. Il n'y a pas d'entre deux. Quant au rushd, ce mot-là, al-rushd, c'est husnul maslak, c'est le fait de suivre une bonne voie. Là, le fait de suivre une bonne voie. Ou husnul tasarruf, le fait de, d'agir en bien, d'agir convenablement. Ça, c'est ce qu'on appelle le rushd. Et quant au ghay, c'est le fait, c'est l'opposé de cela. C'est le fait de suivre une mauvaise voie, ou bien le fait de ne pas agir convenablement. Et le rushd, quand il vient dans le Coran, c'est l'islam. Et le raï, quand il vient dans le Coran, c'est le reniement. C'est la voie de la mécréance. C'est la voie de la mécréance. C'est ce qui est voulu ici dans le verset. Qad tabayyana rushd, l'islam, la foi, la droiture, min al raï, de l'égarement, qui est le fait de renier la foi en Allah Azza wa Jalla, ainsi que les implications de la foi en Allah Azza wa Jalla. Et les voies qui te permettent de distinguer, ou les moyens qui te permettent de distinguer en tant que croyant, entre le rushd, la droiture, et l'égarement, le ghay, ils sont en nombre de 4 en résumé. À la tête de cela, le livre d'Allah. Et rien n'est comparable au livre d'Allah, au Coran. Rien n'est comparable au Coran pour distinguer entre la droiture et l'égarement. Et Allah Azzawajal dit « Wa nazzalna alayka al-kitaba tibyanan li kulli shay » Nous t'avons révélé au Muhammad ce livre, le livre, en guise d'explication ou d'éclaircissement sur toute chose. Sur toute chose, hein, par cela, à la tête de ces choses-là, c'est la guidée. À la tête de ces choses-là, c'est la guidée. D'ailleurs, dans surat al-Baqarah, que probablement vous connaissez tous le début de cette surat-là, « Alif lam mim, zalik al-kitabu la rayba fi, hudan lil muttaqin » Voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. Donc ce livre-là, la base, c'est que tu trouves la voie de la guidée, et ensuite c'est qu'il t'avertisse contre la voie de l'égarement. Quant au fait que, au verset qui prouve cela dans le Coran, ils sont innombrables. Ils sont innombrables. En résumé, on vous mentionne la parole d'Allah dans surat al-Furqan. Tabarak alladhi nazzal al-Furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Gloire et béni soit celui où la bénédiction provient, et béni soit celui qui a révélé le livre à son serviteur, le Coran, hein, le discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur pour l'humanité. Allah Azzawajal a appelé le Coran Furqan. Et le Furqan, dans la langue arabe, c'est alladhi yufarriqu bayna al-huda wa al-dalal. C'est celui qui distingue, qui met en fait la virgule entre la guidée et l'égarement. Bayna al-haqqi wa al-batil, entre la vérité et le faux. Bayna al-halali wa al-haram, entre le halal et le haram, et ainsi de suite. Donc le Furqan, ça c'est un des noms du Coran, et il a précisé dans ce nom-là, afin de pouvoir distinguer par celui-là la lumière ainsi que les ténèbres. Aussi dans Surat al-Furqan, Allah Azzawajal dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. N'obéis donc pas aux négateurs, et combat-les par ce Coran-là d'un grand combat. Pourquoi ? Combat-les afin de mettre en évidence la voie égarée sur laquelle les gens ont égaré leur voie et de les appeler, et afin de mettre en évidence la voie de la guidée, la voie du bonheur et la voie du malheur. Donc par le biais de ce Coran, il ne s'agit pas ici d'épée, il s'agit ici de parler avec la science, avec les arguments. Car Allah Azzawajal, dans ce Coran-là, est venu, il a ramené des arguments qui sont logiques, hein, des rationnels, et des arguments qui sont aussi textuels, par le biais desquels on peut discuter avec ceux qui ont reçu le livre avant nous, par exemple. Car Allah Azzawajal vient nous enseigner ce qu'ils avaient de vrai et ce qu'ils ont changé. Il ne t'enseigne pas dans les détails, mais sur les lignes directives, tu as des informations globales, et tu as des lignes directrices pour savoir en fait t'orienter afin d'appeler les gens à la vérité et de les avertir de l'égarement. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate al-Isra, قُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Dit, la vérité est venue et le faux s'en va. Ceci car le faux est voué à disparaître, est voué à s'en aller. Donc ici le Coran, c'est la vérité. Et par la venue de ce Coran-là, toute autre révélation ou toute autre parole ou toute autre guidée, elle n'a plus aucune valeur. Et il est venu mettre en fait cette virgule et mettre ce point, mettre les points sur les i, sur ces choses-là, et orienter les gens d'une manière avec des paroles très fortes et très droites, qui ne sont pas torsionnées, qui ne sont pas tordues. Ensuite, dans Sourate Al-Isra, le verset qui suit, Allah Azzawajal dit, après avoir dit que le faux est voué à disparaître, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Et nous révélons dans ce livre ce en quoi il y a un remède, ainsi qu'une miséricorde pour les croyants, et ce Coran ne fait qu'accroître aux injustes en perdition. C'est-à-dire les injustes, ils ne font que perdre de plus en plus, et ils s'enfoncent de plus en plus à la venue de ce Coran-là. Donc, alhamdoulilah, hein, on voit tous ces versets-là viennent prouver que le Coran, il est venu pour mettre en fait une barrière distincte entre ce qui est juste et ce qui est faux, entre ce qui est droit et ce qui est égal, ce qui est droiture et ce qui est égarement. Quant à la parole, certaines paroles des pieux prédécesseurs autour de ce principe-là dans le Coran, le fait que le Coran vient et il te montre ce dont tu as besoin pour trouver la guidée et éviter l'égarement, elles sont aussi innombrables. Elles sont aussi innombrables. Nous allons nous restreindre à une parole d'Ali ibn Abi Talib qui est mentionnée par l'imam Tirmidhi dans son Jami', qui a été rendue faible dans sa chaîne de transmission par Cheikh Nas, rahimallah. Mais, comme disent les savants du hadith, فَإِنَّ الْمَتْنَا لَا غُبَارْ عَلَيْهِ. Ce texte en soi, cette parole d'Ali, il n'y a aucune poussière sur. On ne peut pas dire que c'est faux. Hein? Mais c'est la chaîne de transmission qui a, dans, il y a certaines défaillances dans la chaîne. Où il est rapporté, Ibn Kathir la mentionne dans Al-Bidayah wa Nihaya, dans l'introduction du livre. Il dit, قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم. Le livre d'Allah, il y a l'information de ceux qui étaient avant vous et la nouvelle de ce qui va arriver après vous et le jugement de ce qu'il y a parmi vous وهو الفصل ليس بالهزل. Il dit, et c'est une parole qui est comment est-ce qu'on pourrait traduire ça? وهو الفصل. C'est une parole qui est qui tranche. Oui, mais il y a un autre mot en fait pour c'est pas grave. Non. Un autre mot, c'est pas grave. C'est une parole qui est, en fait, un prononcé indiscutable. Laysa bilhaz. Laysa bilhaz, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas des paroles légères. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Il dit, c'est une parole qui tranche. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une affaire légère. Man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah. Tout tyran ou tout despote qui le délaissera et lui tournera le dos, Allah le brisera. وَمَنِ ابْتَرَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ. Quant à celui qui cherche la guidée en dehors de ce Coran-là, Allah va les garder. Quant à celui qui cherche la guidée en dehors de ce Coran-là, Allah va les garder. Sur cette parole, précisément sur cette dernière parole de Ali, n'est-ce pas mieux, serviteur d'Allah, pour toi, ainsi que pour moi, quand on lit le livre d'Allah Azzawajal et qu'on voit qu'Allah dit une chose, de dire ce qu'Allah a dit et de nous arrêter là. N'est-ce pas mieux le jour du jugement quand on vient devant Allah, de dire, oh Allah, j'ai dit ce que tu as dit, je n'ai pas cherché à m'imaginer comment ça c'est, la réalité de cela, mais je me suis contenté de dire ce que tu as révélé à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas mieux ça? C'est pas mieux ça? Billahi alaykoum, répondez, c'est mieux ça ou pas? Ou bien de commencer à philosopher, de dire non, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire ça, mais ça veut dire ça. Qu'est-ce qui est mieux? Car si tu commences à philosopher, ça veut dire que tu cherches la guidée en dehors du Coran, dans la philosophie. Mais si tu t'arrêtes sur le Coran, ça veut dire que tu cherches la guidée, al-hadi dans le Coran. Allah t'a dit ça, tu dis ce que Allah a dit. Alhamdulillah, taktafi bihad. La tatafalsaf. La tatahadda. Al-qil wal-qal, ma nafa'a li ashabi. Ne commence pas à philosopher, ne commence pas à innover. Car le fait de dire ci ou ça, ça n'a jamais été utile, même au plus grand savant des philosophes. Alors ça ne va pas être utile à ni à moi et encore moins. Donc on voit cette parole d'Ali, elle est très évidente. Et on voit que les pieux prédécesseurs étaient simples dans leurs paroles. Ils n'allaient pas à droite, pas à gauche, ils étaient droits. فَمَنْ اِبْتَرَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ. Celui qui cherche la guidée en dehors du livre d'Allah, Allah l'égarera. Allah l'égarera. Quant à la deuxième source dans laquelle on, par le biais de laquelle on distingue entre ce qui est juste et ce qui est faux, ce qui est droit et ce qui est égarement, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam par excellence. Allah azza wa jalla dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. » Nous t'avons révélé, le rappel, le Coran, afin que tu expliques, que tu mettes à l'évidence, que tu expliques aux gens ce qui leur a été révélé. Donc si tu veux comprendre le Coran, comprends-le selon ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une chose, Ça te suffit. بعد القرآن يكفيك هذا حسبك. Ça te suffit. إن صح الحديث فهو مذهبي. Si le hadith est authentique, c'est mon école. C'est ma voie. Donc, dans cette chose, par rapport au fait que la sunna est un moyen par excellence, il n'y a aucun doute sur ça, sur ce point-là, chez les musulmans. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mentionne cela dans d'innombrables hadiths, l'importance de suivre la sunna et que dans la sunna, il y a la guidée. Quant à la parole des compagnons à ce sujet, regarde comme ils te décrivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la guidée sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a laissés. Abu Dharr radiallahu ta'ala anhu dit: Toufiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ma min ta'irin yatiru bi janahihi illa wa dhakara lana minhu ilma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et il n'y avait, alors qu'il n'y avait pas un oiseau qui battait de ses ailes dans le ciel, si ce n'est qu'il nous mentionnait une sagesse de cela. On était parmi. Il nous disait, vous regardez cet oiseau, il y a ça, sa voix. Ça, c'est ce qui va vous être utile. Ça, c'est la méditation que vous devez comprendre là-dedans. Subhanallah. Regarde ce que dit Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Il dit, qama fina Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, maqama. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est tenu devant nous, en tant qu'imam. Il s'est tenu devant nous. فأخبرنا عن بدء الخلق. Il nous a informé sur le commencement de la création. حتى دخول أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم. Depuis le début de la création jusqu'au moment où les gens du paradis entreront au paradis, retrouveront leur gîte, et les gens de l'enfer retrouveront leur gîte. Il leur a tout expliqué. Depuis Adam jusqu'à la fin. Il s'est tenu devant eux et il leur a expliqué en détail. En détail, sallallahu alayhi wa sallam. حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. Il dit, celui d'entre nous qui a appris cela par cœur, qui a retenu, il a retenu, et celui qui a oublié, il a oublié. Mais le prophète Hassan, بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis le message et il s'est acquitté du dépôt. Et il a lutté dans la voie d'Allah Azzawajal d'une vraie lutte, afin que la religion te parvienne au levant et au couchant, toi et moi aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'Allah Azzawajal lui amène la certitude qui soit la mort. Qui est la mort. Et regarde ce que te dit Abu Zayd al-Ansari, radiallahu ta'ala anhu. Toi qui te plains de la longueur des cours des fois. Regarde ce que te dit Abu Zayd al-Ansari. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بنا الصبح بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. Le prophète صلى الله عليه وسلم a prié, nous a guidés pour la prière du subh. ثم صعد المنبر صعد المنبر. Puis il est monté sur la chair. فخطبنا حتى حضرت الظهر ثم نزل فصلى الظهر. ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى العصر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غابت الشمس ثم حتى غابت الشمس فحدثنا بمكان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. Le prophète صلى الله عليه وسلم est monté, a prié, nous a guidés pour la prière de l'aube un matin. Puis il est descendu, après avoir terminé la prière, il est monté sur la chair, sur le minbar. Et il a commencé à nous parler. Jusqu'au dhuhr, jusqu'au zénith, depuis le fajr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la chair, sur le minbar. Pas, sallallahu alayhi wa sallam, il était sur la chair. Depuis le fajr, vous voyez l'endurance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu viens, nous on vient, on donne un cours d'une heure et demie, on ne tient plus sur nos jambes. Alors qu'on est assis sur des chaises, avec un micro. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté depuis le sobh jusqu'au dhuhr. Il est descendu, il a fait la prière du dhuhr, il s'est levé, il est remonté jusqu'au asr. Il est descendu, il a fait la prière du asr, il est remonté jusqu'au maghrib. Et quand le maghrib il est terminé, il avait terminé ce qu'il avait à leur dire. Et le compagnon il dit, il a mentionné ce qui fut et ce qui va être. Et celui d'entre nous qui sait le mieux tout cela, c'est celui qui a appris le plus par cœur. De ce que le professeur s'est mentionné. On voit que les compagnons étaient patients dans l'étude de la science. Et on voit que les compagnons, chez les compagnons, celui qui était mis en avant, c'est celui qui connaissait le plus par cœur. A'lamuna ahfaduna. Man hafidha hujjatan ala man lam yahfad. Celui qui apprend par cœur est un argument, hein, vis-à-vis de celui qui n'a pas appris par cœur. Tu peux parler toute la journée si tu ne sais pas, si ta science tu ne l'as pas dans la poitrine, le livre, tout le monde peut le tenir. Innama al-ilmu fi as-sudur. La science, elle est, c'est ce qu'Allah azawajal, hein, t'a donné et qui est avec toi où que tu sois. C'est pour ça que certains des salafs disaient, ta science, c'est celle qui rentre aux toilettes avec toi. Pourquoi ? Car ton livre, quand tu rentres aux toilettes, tu ne peux pas le prendre, parce qu'il y a des versets et des hadiths. Tu le laisses dehors. Mais ta science, elle est dans la poitrine, tu l'as avec toi. Donc tu es obligé, tu ne peux pas l'enlever. La vraie science, il disait, c'est celle qui rentre. Ilmuka alladhi yadkhul ma'aka al-hammam. Ta vraie science, c'est celle qui rentre avec toi aux toilettes. Et le troisième moyen de distinguer entre le droit et le faux, c'est le fait de connaître la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de connaître comment il était dans sa maison, hein, comment il était avec les musulmans, comment il était avec les non-musulmans. Ça, c'est un moyen par excellence, en fait, de connaître, de pouvoir te repérer entre ce qui est droit et ce qui n'est pas droit. Ce qui est droit et ce qui n'est pas droit. Et le dernier des moyens, c'est la voie des califes bien guidés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quant à ces trois choses-là, qui sont quatre, nous on les a séparées en quatre ici, mais qui sont en réalité, on peut les regrouper sur trois, le Coran, la Sunna, la voie des califs bien guidés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te les a mentionnés. Et il a dit « Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidin al-mahdiyina min ba'di » Dans un autre hadith « Inni tarikum fikum ma intamassaktum bih lanta dhillu ba'di kitab Allah wa sunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidin al-mahdiyina min ba'di » Je vous ai laissé ce dont, si vous vous y accrochez, vous ne vous égarez jamais après moi. Le livre d'Allah, ma sunna, ainsi que la sunna de mes califes bien guidés. Quant à ce verset-là, il est une preuve évidente quant au fait que les premiers musulmans qui sont devenus musulmans ne sont pas devenus avec la contrainte comme on pourrait prétendre ou comme veulent faire croire certaines personnes. Mais les premiers musulmans qui ont embrassé l'islam, ils l'ont embrassé par la compréhension du Coran, par la compréhension de la sunna, par le fait de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par la guidée ou la voix de ses nobles compagnons à leur tête, les quatre califes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont rentrés par cela. Et il y a une réfutation évidente à ceux qui disent que l'islam veut imposer l'islam aux gens. L'islam, il ne veut pas imposer aux gens qui ne veulent pas la noblesse de s'ennoblir. L'islam, il a pour devoir moral, car il désire. L'islam nous enseigne à aimer pour notre prochain ce qu'on veut pour nous-mêmes. Il a pour devoir d'expliquer aux gens, afin que les gens ne disent pas demain, je ne savais pas. Afin que les gens demain ne disent pas je ne savais pas et que les gens ne viennent pas nous attraper pour nous dire, pour se plaindre devant Allah subhanahu wa ta'ala, hein, en ce jour où chaque personne essaiera de jeter la faute sur autrui, où personne ne connaîtra personne. Donc le devoir de l'islam, c'est un devoir moral, et ce n'est pas le fait d'imposer la foi aux gens, car il n'y a, ceci n'est pas permis, et il n'y a aucune utilité en cela. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce même verset dit, la phrase suivante, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَانْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Quant à celui qui renie le tarout, tout en ayant la foi en Allah, il se sert accroché au lien le plus solide, qui n'est pas sujet ou qui ne sera jamais dénoué. Et Allah est audient et omniscient. Ici, on trouve le kufr, quant à celui qui mécroit au tagout. Le mot kufr en islam vient de cette racine kafara. Et kafara se trilettrait, comme dit Ibn Faris, elle tourne autour de deux choses. Autour de cacher quelque chose et autour de des ténèbres, une chose qui est sombre. Après, il est employé, cette racine est employée pour désigner plusieurs choses dans la religion. Mais en résumé, tous les sens de ce trilettré vont tourner autour du fait de cacher quelque chose et autour du fait de qu'une chose soit ténébreuse. Il en est ainsi pour le kufr en réalité, le reniement. C'est la voie des ténèbres, c'est pas la voie de la lumière. Il en est ainsi pour le kufr, c'est la voie qui cache, elle cache la réalité. Elle cache la réalité, c'est un mensonge. Et c'est un mensonge. Car le reniement d'Allah Azzawajal, c'est un grand mensonge, c'est une grande injustice, c'est faux. Quant à ce mot-là, il est employé et il désigne des fois certaines montagnes très hautes. Certaines montagnes très hautes qui cachent le chemin, qui cachent la route. La route, elle est cachée entre ces montagnes. Donc il y a le sens du fait de cacher. Où il est employé, et on veut par cela le caractère ténébreux de la nuit. Zulmatul layl. Et il est employé, on veut par cela la tombe. Il est employé pour désigner la tombe. Ou il est employé pour désigner la terre aussi. La terre. Car la terre, elle couvre. Et donc, c'est-à-dire que le mot kufr, il vient, et il y a ces deux sens-là qu'il faut retenir. Quand tu dis kufr, c'est quelque chose qui cache une chose, et c'est quelque chose qui est ténébreux. Donc, c'est quelque chose qui est ténébreux. Ça, ceci dans la langue. Quant à la définition de ce mot-là, en l'employant souvent, ça c'est du kufr, ça c'est du kufr. On voit beaucoup de jeunes, ils ne savent même pas. Si tu l'arrêtes, tu lui dis, ça veut dire, c'est quoi le kufr en islam ? Il ne sait pas t'expliquer. Le kufr en islam, comme le dit Ibn Faris, c'est le fait de renier la foi, en résumé. C'est le fait, naqdul iman, en résumé. Ou bien Raghib al-Asfahani, rahimahullah, dit, le kufr, c'est juhud al-wahdaniya wal-nubuwa wal-sharia. Ou juhud al-wahdaniya ou al-nubuwa ou al-sharia ou al-thalata. Le kufr, c'est le fait de renier l'unicité d'Allah, le caractère unique d'Allah, en ce en quoi il est unique et son unicité a été confirmée, ou bien le fait de renier la prophétie, n'importe quel prophète. Tu peux prier, être musulman et toute ta vie et faire ton hajj, tu renies Isa ibn Maryam, ou bien un prophète parmi les prophètes d'Allah, après qu'il te soit venu, tu ne crois pas en ce prophète en tant que prophète, tu es kafir, tu es kafir. Ou bien de renier la sharia d'Allah, de renier. C'est-à-dire, on te prouve qu'une chose est haram, tu dis non, moi je n'accepte pas, ou je ne suis pas d'accord qu'elle soit haram. Tu es sorti de l'islam. Donc, on voit que ce mot-là, après maintenant, le fait que vous ayez appris ça, ça ne veut pas dire que si vous voyez un musulman qui renie une chose par son ignorance, que vous devez le juger, en fait, ou dire, ou le classer quelque part. Vous n'êtes pas des juges. Vous apprenez pour vous instruire et pour vous éviter l'égarement à vous, dans un premier temps. Et si ensuite, Allah Azzawajal vous le permet, vous avez la capacité de conseiller les gens en ayant un discours de la meilleure des manières, bilman rizatil hasana, avec une belle exhortation, si vous avez la capacité, en espérant qu'Allah Azzawajal vous rende utile, il n'y a pas de mal à cela. Mais vous n'êtes pas des juges, et ce n'est pas votre travail de commencer à classer les gens dans les catégories. Dans les catégories. Et Allah Azzawajal te dit « فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ » Quant à celui qui renie le tagout. Et le tagout, ce mot-là, ça vient du tauryan. Ça vient du tauryan. Et le tauryan, هو تجاوز الحد, le dépassement des limites. Allah Azzawajal dit « إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ » Lorsque l'eau déborda pour nous, alayhi salam, nous les portâmes donc sur l'arche. Tara. Et elle a dépassé les limites. Alors, elle est tombée. Tara. Et le paroud, c'est une chose qui a dépassé les limites. Hein? Ou bien donc par laquelle on a dépassé les limites. Par le biais de laquelle on a dépassé les limites. Ibn al-Qayyim dit, dans la religion, le taghout, il dit « Kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'boudin aw matbou'in aw muta'a » C'est toute chose par le biais de laquelle le serviteur a dépassé les limites en l'adorant, ou en le suivant, ou en lui obéissant. L'exemple du taghout qui a adoré, c'est tout autre qui a adoré en dehors d'Allah Azzawajal. Toute chose qui est adorée en dehors d'Allah, c'est un tarout. Soit une statue, ou le soleil, ou la lune, c'est un tarout. Si celui qui a adoré désirait cela, ou les appelait à cela, comme chez Shaytan, hein, c'est un tarout dans tous les sens. Si celui qui a adoré, il n'est pas responsable du culte qu'on lui voue, comme le soleil, hein, c'est un tarout pour le culte qu'on lui a voué, mais ce n'est pas un tarout lui en soi, en ce sur quoi. Le soleil n'a jamais dit aux gens, adorez-moi. Et on est ainsi pour Isa ibn Maryam, hein, ou qui que ce soit parmi les prophètes. C'est le culte qu'on voit à Isa, c'est un tarout. Mais Isa en soi, lui-même, ce n'est pas un tarout, car il a dit, A'budullah Rabbi, Rabbakum, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur, vos fils d'Israël. Il ne leur a jamais dit, en fait, adorez-moi ou vouez-moi un culte. Donc, voici pour l'adorer. Le tarout qui est suivi, c'est les dirigeants religieux. Lorsque ces dirigeants religieux appellent les gens à les suivre au détriment de désobéir à Allah et à son messager, ça devient des tawarites. Et en cela, mentionne, qu'ils soient musulmans ou pas, que ce soit des prêtres ou des curés ou des imams, ils sont tous dans la même catégorie. S'ils appellent les gens à leur obéir au détriment de la désobéissance à Allah et celle de son messager, ils ont dépassé les limites. Et ceux qui les ont suivis en cela ont dépassé les limites. Car on n'a pas le droit de suivre un homme si cet homme-là nous appelle à désobéir à la voix d'Allah ou celle de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons, hein, que vous avez pris vos rabbins et vos curés auparavant comme Seigneur. Donc, pourquoi? Car lorsqu'ils te rendent halal le haram, tu le prends, et lorsqu'ils t'interdisent le halal, tu te l'interdis. Ensuite, quant au tarout dans l'obéissance, c'est si par exemple le dirigeant pousse les gens à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, il leur ordonne la désobéissance d'Allah, hein, il est considéré en religion, il leur ordonne la désobéissance d'Allah, il est considéré en religion comme un tarout. Et si les gens lui obéissent, à l'obéissance qu'il lui voue, en fait, c'est un tarout. C'est un tarout au détriment de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Ibn Uthaymeen mentionne ces diverses catégories chaque fois qu'il explique, en fait, soit dans l'usul al-thalatha, ensuite, ou dans le tafsir, lorsqu'il explique, il mentionne ces diverses catégories. Une fois de plus, ici, avec ce que tu as appris, est-ce que tu vas te lever maintenant et puis allumer, je sais pas, Al Jazeera, et regarder ce que font les dirigeants, puis tu vas dire celui-là c'est un tarout, celui-là c'est pas un tarout. Non. Tu apprends cela pour savoir comprendre dans le Coran, quand tu lis une chose, la comprendre déjà pour toi. Quant au jugement, laisse les serviteurs à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, au lieu de faire les comptes de tel ou tel dirigeant à l'autre côté de la terre, fais plutôt les tiens ici, avant qu'on te les fasse. Fais plutôt les tiens avant qu'on te les fasse. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de mécroire au tarout. À toute personne qui nous demande, à toute voix qui appellerait à l'adoration, une adoration illégitime, qui est l'adoration de tout autre qu'Allah, à toute voix qui nous appellerait à suivre d'un suivi illégitime, qui est le fait de suivre une autre voie que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au détriment de sortir de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à toute personne ou toute voix qui nous appellerait à obéir à une personne au détriment de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela, Allah azza wa jalla nous appelle à le renier. Il dit famen, condition. Quant à celui qui renie le tarout, hein, qui renie le tarout, mais il ne s'est pas arrêté là. Parce que sinon, le fait de dire quant à celui qui renie le tagout, là il y a juste quoi? Là il y a juste un reniement. Hein? Un reniement, après un reniement, il y a quoi? Il y a rien. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit tout en ayant la foi en Allah. C'est-à-dire tu ne dois pas te contenter de renier. C'est bien joli de renier. Ah, on a certaines personnes, ils sont là avec la langue, ils renient le tagout toute la journée. Mais après, quand c'est l'heure de salat al-fajr, même à la maison, ils ne se réveillent pas pour la prière. On parle de la prière à la mosquée. Hein? Pourtant, ça fait partie de la foi. Hein? Quand, avec la langue, ils renient le tagout toute la journée. Ils parlent sur les dirigeants. Ah, ils ne jugent pas avec la charia. Mais quand tu le vois, il est rasé en aftershave. Hein? Masha'Allah. T'as dit, mais là... Ouvre les livres de fiqh. Ah, avec ça, on ne veut pas dire qu'une personne est rasée. Par Allah, il explique qu'une personne soit rasée et qu'elle soit bien meilleure que de loin, que ce ne sera pas difficile que celui qui vous parle et que beaucoup d'entre nous. On ne veut pas juger une personne sur son apparence. On ne juge pas les gens sur les apparences. L'apparence, elle a sa place dans la religion. Si la niya, elle est là derrière. Elle fait partie. Il y a des règles. En islam, il y a des règles dans la manière de se vêtir, c'est pas tout. La religion, elle est extérieure et intérieure. La base, c'est l'intérieur. Sans l'intérieur, l'extérieur, il ne sert à rien. Mais plus l'intérieur, il est consolidé, après, tu essayes de pratiquer, que ce soit les bases, les fondations, et tu essayes de pratiquer dans toute ta vie afin de concrétiser la parole d'Allah. Inna salati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahi rabbil alamin. Ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont pour Allah, le Seigneur des univers. Tu essayes de faire en sorte que dans toute chose, tu sois conforme à ce qu'Allah attend de toi. Mais, après, est-ce qu'on va juger une personne parce qu'elle n'a pas la barre? Pas du tout, de nouveau. Il faut que tu te juges toi-même. Mais ce que je veux parler ici, c'est certaines personnes qui s'avancent un peu trop avec leur langue. On les entend beaucoup parler sur le fait de juger avec la charia ou bien se plaindre que certains dirigeants ne jugent pas avec la charia et qu'Allah nous guide tous. Hein? Mais, quand tu le regardes, lui, déjà sur son propre corps, il ne juge pas avec la charia, si on prend la charia. Sur son propre corps, il ne juge pas avec la charia. Ou bien dans sa propre maison, il ne juge pas avec la charia. Je n'ai pas dit qu'il faut couper des mains. Mais hein, dans sa propre maison, ce qui est voulu par cela, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont haram. Il y a des images sur les murs. Shara'al, ce n'est pas permis. Les malaïkas, ils ne rentrent pas. Donc, il se peut que tu rentres, tu as même une image de lui devant la Kaaba, hein, en train de faire des doigts en ihram. C'est une sorte de shirk aussi, c'est du riya. Pourquoi? Pour que, si son intention, c'est que les gens ils voient qu'il est allé faire le hajj, c'est du petit chien. Subhanallah. Donc, il faudrait qu'on s'occupe de nous-mêmes. Il faut qu'on commence par nous-mêmes. Et la personne sur qui on sera questionné et sur qui va tourner en fait notre jugement, c'est notre registre. C'est ce qu'on a fait, ce qu'on a dit et ce qu'on a cru. Donc, à la kulli hal, il est important d'avoir en fait de se juger soi-même et de mettre le miroir en face de nous-mêmes. Comme le dit l'imam Shafi'i, si tes yeux te font voir les défauts des gens, dis à tes yeux, oh mes yeux, sache que les gens ont des yeux. Oh mes yeux, sache que les gens ont aussi des yeux. Donc il faut que je les prenne et je les tourne et je me regarde moi. Je me regarde moi avant de commencer à regarder les autres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là nous demande ce principe par excellence sur lequel cette balance sur lequel Allah azawajal a établi la justice qui est an-nafyu wal-ithbat. Le fait de la négation et la confirmation, qui est le fait de refuser le mal et de confirmer le bien, de refuser la mécréance et de confirmer la foi, et c'est le sens de la ilaha illallah, et ainsi de suite. Allah azawajal a établi le khayr, le bien, sur cette balance-là. Quant à la suite, en fait, après avoir renié, c'est la foi. Donc ça va de pair. Tu renies tout en ayant la foi. Yu'min billah. Quant à la foi, en Allah Azzawajal, elle comprend quatre choses. C'est le fait que tu aies la foi en la seigneurie d'Allah. Allah Azzawajal, c'est ton Seigneur. Et le Seigneur, c'est celui qui crée, qui domine, hein, qui administre. Ou qui crée, qui pourvoit, qui administre. Qui domine et qui administre. Ensuite, le fait que tu aies la foi en Allah comme divinité unique, seule, et que personne n'a le droit d'être adoré. Tout ce qui s'appelle ibada, que ce soit qalbiya, ou al-lisan, ou al-jasad, un culte par le cœur, la langue ou le corps, tout ce qu'on appelle ibada, tu n'as pas le droit de le faire en tout cas. Une personne qui vient à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lève les mains. Madad ya Rasulallah, aide-moi au messager d'Allah. C'est juste ça? Sahih hada? Akhi sahih? Laysa bi sahih. Pourquoi? Le doua c'est une ibada? C'est une ibada le doua? Là? Oui. Alhamdulillah. Donc toute ibada, la ilaha illallah, la ilaha al-ilahu al-ma'bud, hein? Nulle divinité n'est en droit d'être adorée si ce n'est Allah. Tout ce qui s'appelle ibada, on la donne pour qui? Allah, seul, unique et sans associé. Jamais, ni un prophète, ni un ange rapproché. Allah, Jalalu, seul, unique et sans associé. Donc, ici, le deuxième point dans la foi en Allah, c'est de croire en Allah en tant que divinité unique, seul et sans associé. Le seul qui a le droit à l'adoration. Troisième point, c'est le fait d'avoir foi en Allah, en ses noms et ses attributs. Bi asma'ihi wa sifati. Nu'minu biha ou la nu'minu biha. On croit ou pas? Quand Allah Azzawajal dit, Huwa Allahu alladhi la ilaha illa. Huwa alimul ghaybi wa shahad. Ar-Rahman ar-Rahim. Al-Malik. Al-Quddus. Al-Salam. Al-Mu'min. Al-Mu'aymin. Al-Aziz. Al-Jabbar. Al-Mutakabbir. Est-ce qu'on a foi en ça? Est-ce qu'on dit qu'Allah Azzawajal s'appelle Al-Aziz? Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, on dit ou pas? Pourquoi? Nataqabi, le Coran. C'est venu dans le Coran. Est-ce qu'on dit qu'Allah Azzawajal, il est aziz et il n'a pas d'izza? Nakulu hada? Yuqal hada? Huwa azizun lahu izza. C'est vrai? Il est puissant et il a une puissance. Jalla wa'ala. C'est vrai? Alhamdulillah. Vous dites ça parce que vous êtes sur la fitra. Vous êtes sur ce sur quoi Allah Azzawajal vous a créé. Vous n'avez pas été infecté par les shayatines, parmi les djinns et les hommes. Alhamdulillah. Donc, la troisième chose, c'est le fait de dire, de nommer Allah par ce par quoi il s'est nommé, et le fait de le qualifier par ce par quoi il s'est qualifié, en refusant le fait qu'il ressemble à ses créatures. Il n'est pas semblable. Hein? Quant au fait, au quatrième point, c'est le fait d'avoir foi en l'existence d'Allah. Est-ce qu'Allah existe? Oui. Est-ce que toi, t'existes? T'existes? Moi, j'existe? Mon existence et ton existence, elles sont pareilles? Oui. Non? C'est pas vrai. Jusqu'à maintenant, oui. Mais il se peut que moi, je meurs avant toi. Donc toi, tu auras une plus longue existence. Ça rien? Non. Pourtant, on est les mêmes, on est des êtres humains. Sahih madala. Allah Azzawajal, est-ce qu'il existe? Alors t'as fait ressembler à Allah ses créatures. Hadan Allah wa yak. Hein? Ça? Hein? Mais Allah qui nous a créés, l'existence d'Allah, c'est pas pareil. L'existence d'Allah, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Alhamdulillah, t'as tout dit. Alors fais comme ça pour tous les attributs. Le ilm d'Allah, il n'est pas pareil. L'existence d'Allah, il n'est pas pareil. La main d'Allah, il n'est pas pareil. Le visage d'Allah, il n'est pas pareil. Laïsa kamith li shay. Hallahu waj. Hallahu waj. Qala fi al-Qur'an. Oui. Alhamdulillah. Hal wajhu ka wajhi abadan. Hallahu yad. Yadullah. Naam. Hallahu yad. Bal yadahu mabsutatani. Naam. Donc Allah Azza wa Jalla n'est pas pareil. Tout ce que tu lis dans le Coran, dis au sujet d'Allah ce qu'il a dit et tais-toi. Tu dis et il n'est pas pareil. Je dis, il a ça, mais comment c'est cela Allah sait. Alhamdulillah. Et je dirai comme ça jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla l'ôte mon âme et j'espère le rencontrer. Non. Et si une personne elle vient et te dit oui mais si, oui mais ça, tu dis lakum dinukum. La niqash. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا سَلَامًا سَلَامًا سَلَامَاتْ سَلَامَاتْ يلا روح صح؟ الحمد لله La foi en Allah, elle comprend ces quatre choses. D'avoir foi en Allah comme Seigneur, d'avoir foi en Allah Azzawajal comme divinité, d'avoir foi en Allah Azzawajal comme parfait, il est parfait dans ses noms et ses attributs. Et d'avoir foi en Allah comme dans son existence. Quant à ces choses-là, le fait qu'Allah existe, قل هو الله أحد. هو أي موجود. له وجود. صح? Quant au Faites qu'Allah Azzawajal existe, ou Allah, alladhi la ilaha illa huwa. Et le fait qu'Allah Azzawajal existe, le aql, il prouve cela. La fitra, le naql, le hiss. C'est évident, de toutes parts, tu ne peux pas renier l'existence d'Allah. Même les athées qui s'efforcent de renier, ils disent, il y a une force. Tu dis, bah, si tu ne crois pas, c'est cette force qui va te faire. Ils sont, au bout d'un moment, ils sont... Ayara tayara. Ils n'arrivent plus à se situer. Donc, il dit quoi? Tu dis, alors on dit quoi? Il dit, c'est une force. Alhamdulillah. Allah Azzawajal, il est omnipotent. Quant à la seigneurie, l'uluhiyya, caractère divin, et les noms et les attributs, Allah Azzawajal les a rassemblés dans le Coran, dans plusieurs versets. Tout le Coran, il a un argument pour ça. Et si les gens ils te disent, ouais, mais pourquoi vous séparez ça comme ça? Vous êtes venu avec quelque chose de nouveau, Aladdin Jadid. Là, Wallah, on t'a juste résumé. On t'a résumé pour que tu comprennes. Au lieu qu'on parle et puis qu'on te dise, je tape, qu'on parle, qu'on fasse le tour de tous les noms, hein, les gens de science, ils sont venus, ils t'ont donné Ummahatul Masa'il, les mères de toutes choses. Et la mère d'une chose, c'est celle de laquelle une chose elle part et vers laquelle elle revient. Donc si tu as trois choses, c'est plus facile pour toi de comprendre que si tu en as 99 ou 100. 200, c'est vrai ou pas? Ou Hassan, hein? C'est plus facile. Si tu veux, prends ça, prends. Si tu veux pas le prendre, tant que tu ne donnes pas des associés à Allah en tant que Seigneur, en tant que Ilah, hein, divinisé, et en tant que, dans les noms et les attributs, dans la perfection, Alhamdulillah, taslam. Taslam. Si après tu veux prendre d'une manière technique ces explications, prends-les, c'est mieux pour toi. Si tu veux pas, pas de problème. Donc tu ne contredis pas dans la pratique cela. Alhamdulillah. Et Allah Azzawajal dit dans surah Maryam, Rabbu samawati wal ardi wa ma baynahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiya. Il est le Seigneur des cieux, la terre et ce qu'il y a entre elles. Adore-le donc et fais preuve de persévérance dans son culte. Lui connais-tu des semblables? Le Seigneur, la Seigneurie. Adore-le donc, al-uluhiyya, l'adoration. Lui connais-tu des semblables? Rien n'est pareil à Allah. Là où le kamal ou le mutlaq, il est parfait, c'est les noms et les attributs. Al-asma ou al-sifat. Quant à la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, elle implique deux choses. Quand tu as eu la foi en ça, ce qu'on vient d'expliquer, ta foi en ça, ça implique quoi? Deux choses. C'est quoi ces deux choses-là? Al-qaboul ou al-id'an. L'acceptation et la soumission. Quand tu as accepté comme ça techniquement tout ce qu'on vient de dire, hein, si après il n'y a pas d'acceptation avec le cœur, et si tu ne te soumets pas à ça, ça reste que des paroles. Ça reste que des paroles. Donc si on revient, la foi en Allah, elle comprend quatre choses. Elle comprend. Elle est bâtie sur quatre choses et elle en implique deux. Elle comprend d'avoir foi en Allah comme Seigneur. Et vu que c'est le Seigneur, il faut l'adorer. Et pour l'adorer, comment l'adorer mieux qu'en le connaissant? Et comment le connaître si ce n'est par ses noms et ses attributs? Et tu verras par cela qu'Allah Azzawajal, hein, tu sentiras et tu seras de plus en plus convaincu de l'existence d'Allah Azzawajal. Ensuite, ça c'est les quatre choses. Ces quatre choses-là, elles impliquent que tu acceptes. Et tu acceptes ce qu'elles impliquent et tu te soumets à cela. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, quant à celui qui renie, qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Pourquoi? C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala explique aux créatures. C'est comme si on va demander à Allah. Allah subhanahu nous dit, il n'y a pas de contrainte en religion. Hein? Parce que l'être humain, il est curieux et il pose trop de questions dans sa nature. Et c'est ce qui a causé la perte de ceux qui étaient avant. Pas de contrainte en religion. Comment ça se fait? Pourquoi? Car le vrai ou le droit se distinguer de l'égarement. Celui qui renie. Maintenant, après, c'est l'explication du droit. De ce qu'est la droiture et comment est-ce qu'on évite l'égarement. C'est comme si tu dis, ah, oh Allah, comment est-ce que je vais éviter l'égarement alors? Dans Ayat al-Kursi, tu m'expliques qui tu es. Je t'ai connu et j'ai cru en toi. Tu me dis qu'il n'y a pas de contrainte en religion, parce que le vrai se distingue du faux. Du faux. Je suis convaincu du vrai et je suis convaincu que le faux il est faux. Comment est-ce que je vais me sauver? Tu mets croix au Tarout et ta foi en Allah. Al-Munasaba. Hein? Tu mets croix au Tarout. Hein? C'est une chronologie magnifique. Subhanallah. Très évidente. Elle parle. Tu mets croix en Allah. Hein? Tu mets croix au Tarout. Tu mets croix au Tarout. Et on a expliqué ce que c'est le Tarout avant. On ne va pas rentrer dans les détails maintenant. Et tout en ayant la foi en Allah. Tu renies le Tarout et tu as la foi en Allah. Le résultat, que c'est comme si tu... Et l'homme, il aime gagner. Hein? Et l'homme, il aime gagner. Alors, si je fais ça, ah, sur quoi est-ce que je suis? Ah, il aime toujours être rassuré. Celui qui fait cela, il s'est accroché au lien le plus solide. Ah, alhamdoulilah, je suis sur une bonne voie, là. Faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa. Je suis sur une bonne voie. Mais c'est comme s'il va poser la question, est-ce qu'un jour, je vais m'égarer? Non, tant que tu seras comme ça, tu ne vas pas t'égarer. L'âme fait ça, mais là... Tu y s'es accroché sur un lien solide qui ne va jamais se rompre. Subhanallah. Et la fin du verset, Wallahu Samiyun Alim. Et Allah est audient et omniscient. Et Allah est audient et omniscient. Subhanallah. Là. Donc, cette partie-là, faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa. Al-urwa al-wuthqa, c'est un lien solide ou un nœud solide. L'infisam alaha. Et l'inqita'a, l'infikaka laha, il ne connaîtra pas de rupture ou il va jamais se défaire. Il restera toujours fermement lié. Wallahu Samiyun Alim, et Allah est audient et il est omniscient. On a mentionné ça dans Al-Muqaddimat Ighathat al-Lahfan, le fait qu'Allah entende. Allah Azzawajal entend dans toutes les langues et tout le monde en même temps et cela ne lui coûte rien et les paroles des gens ne se mêlent pas. Subhanallah. Et on avait fait l'essai avec un frère ici. Hein. On avait pris un frère, on était pas mal de frères le jour du cours. On a mis un frère ici et on a trouvé des frères qui parlent dans des langues différentes. Portugais, arabe, X, Y. Ils lui ont tous parlé en même temps. Et, subhanallah, il a failli faire une crise cardiaque. Hein. Bahi, makhlouk. Hein, il est faible. Je pense qu'il a dû prendre une aspirine en rentrant chez lui. Hein, puisqu'il... Allah Azzawajal entend tout. Jalla wa ala. Là, et il est alim. Il sait tout. Il sait tout. Il sait ce que toi tu ignores sur ta personne. Jalla jalalu. Ce qu'on tire de ce verset-là. La première chose, c'est qu'il n'est pas permis en islam de contraindre une personne à la religion. Et le fait qu'une personne soit contrainte à la religion, ceci ne sera d'aucune utilité. La deuxième, c'est qu'il y a deux voies et il n'y en a pas trois. La voie de la guidée et la voie de l'égard. Il n'y a pas de voie intermédiaire. Allah Azzawajal dit, فَمَا دَبَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Qu'y a-t-il donc après la vérité, si ce n'est l'égarement? Il y a deux voies, il n'y a pas trois chemins. Ou bien, وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Et nous sommes, vous, et nous sommes ou sur une guidée ou alors dans un égarement. On tire aussi de ce verset-là que l'homme ne peut être sincère si ce n'est en reniant tout ce qui est adoré ou toutes les formes de polythéisme. Et une personne qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, mais il adore autre qu'Allah avec Allah, que ce soit des saints. Ou que ce soit des cailloux ou de la tombe, sa foi en islam ne lui servira à rien. Man haqqaqa al-aya, faman yakfur bi taghut wa yu'min billah wa a'budullah la tushriku bihi shay'a. Na'am. Ya qawmi a'budullah ma lakum min ilahin ghayru. Et ainsi de suite. Hein? Adorez Allah, ne lui donnez pas d'associés. Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas de divinité en droit d'être adoré si ce n'est lui. Quant à celui qui renie Allah, qui renie le taghut tout en ayant la foi en Allah. Toujours Allah subhanahu wa ta'ala rassemble entre ces deux choses. Et c'est le sens de La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nulle divinité dans le sens Et yu'badu bilhaq illallah wahdahu la sharika la. Ensuite, on tire aussi de ce verset-là que toute chose qui est adorée en dehors d'Allah est un tarout. Et on a expliqué ici. Si une personne pose la question, alors Isa ibn Maryam, un tarout ou moi? Non, ibadatu. Hein? Ibadatu, tarout. لكنه هو كشخص يعني ليس بطاغوت لانه ما دعا الى هذا il n'a pas appelé à cela mais le culte qui lui est voué c'est un tagout c'est un tagout ensuite on tire aussi de ce verset là que tu ne peux être sauvé que si tu mets croix au tagout et en ayant la foi en Allah et ça c'est le lien solide faqad istamsaka bil urwatil wuthqa il s'est certes accroché au lien solide. Et on voit aussi, on tire de ce verset-là, que les actes en islam ne sont pas tous du même degré. Il y a des actes qui sont meilleurs que d'autres. Parce qu'Allah Azzajal dit « فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُفْقَى وَهُوَ إِسْمُ تَفْضِيلِ » C'est un nom ou un adjectif ici qui vient et qui qualifie en fait ce lien-là comme étant le lien le plus solide. C'est-à-dire... ce n'est pas qu'il est tout simple ou solide, c'est le lien le plus solide qui existe. Donc on tire de ce verset-là qu'en islam, les actes ne sont pas tous pareils. Il y a des actes qui ont plus de valeur auprès d'Allah que d'autres, qu'il y a des choses dans la religion qui ont plus de valeur, qui sont plus privilégiées que d'autres. Et ceci est clair aussi dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a été questionné sur la meilleure, l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah. Lorsqu'il dit ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala, lorsqu'il a été question quelle est l'œuvre est la plus aimée auprès d'Allah, c'est-à-dire il y a des œuvres, toutes les œuvres dont l'islam Allah les aime, mais il y en a qu'il aime plus, il y en a qu'il aime plus. As-salatu ala waqtiha, il dit la prière en son heure. Ou bien dans le hadith al-Qudsi, le hadith divin où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte nous rapporte la parole d'Allah azza wa jalla où nous mentionne ce qu'Allah lui a ordonné de mentionner. Par ces paroles, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal dit, ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraddu alayhi. Le serviteur ne saura s'approcher de moi par une chose qui m'est plus aimable que ce que je lui ai rendu obligatoire. Quant à la distinction entre les œuvres, entre elles, entre les bonnes œuvres, dans leur caractère privilégié ou meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et là, des facteurs qui agissent. Que ce soit celui qui applique l'œuvre, ça peut que la personne, deux personnes elles font la prière, mais la prière de celui-là est plus haute auprès d'Allah. Ou bien par rapport à la sorte d'œuvre elle-même, ou bien par rapport au degré de l'œuvre, est-ce que c'est une œuvre obligatoire ou surrogatoire? On demande aux sœurs de ne pas faire du bruit, s'il vous plaît. On demande aux sœurs de ne pas faire du bruit, s'il vous plaît. On entend jusque dans la salle. Et aux frères aussi, mais alhamdoulilah, ils ne font pas de bruit pour le moment. Il ne faut pas qu'on dise que... Non. Ou bien alors, par rapport au temps dans lequel elle est faite, ou le lieu dans lequel elle est faite, ou bien la manière dans laquelle elle est faite, ou bien le suivi du prophète sincère, ou bien le degré de sincérité durant cette œuvre-là. Quant à l'œuvre par rapport à celui qui l'accomplit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La tesubu ashabi, fa walladhi nafsi biyadi, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaba, ma adraka mudda ahadihim wala nasifa. » N'insultez pas mes compagnons, par celui qui tient mon âme dans sa main, si l'un d'entre vous donnerait l'équivalent de la montagne de Uhud en or, n'atteindrait pas une poignée de ce que donnent mes compagnons ou bien la moitié. De quoi que ce soit parmi les choses. Toi, tu donnes la taille de Uhud en or, tu n'attends pas auprès d'Allah ce qu'un compagnon donnait comme poignée, que ce soit de blé ou de quoi que ce soit, ou de date. Alors, ou bien même pas la moitié de cela. Donc, où sont ceux qui viennent et qui nous disent aujourd'hui, qui insultent les compagnons? Où sont ceux qui parlent sur ceux au sujet desquels il nous a été confirmé d'une manière notoire que c'est des sahabas? Que ce soit Uthman ibn Affan, ou que ce soit Abu Bakr, Omar, ou bien que ce soit Muawiyah ibn Abi Sufyan, ou bien Abu Sufyan son père. Où sont ces gens-là qui viennent et puis qui écrivent aujourd'hui, ils ont 1400 ans après, ils écrivent dans leur livre, l'islam de Abu Sufyan, c'est l'islam de la langue. C'est pas l'islam du cœur. T'as ouvert son cœur. Le prophète Sassam dit, à Oussama ibn Zayd, alors qu'il a rencontré le polythéiste dans la bataille, qu'il l'a blessé le polythéiste, ensuite Oussama a eu dessus sur lui, et l'homme a dit « Ashhadu ala ilaha illallah » et il a planté la lance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit « Tu l'as frappé alors qu'il a dit « La ilaha illallah » Oussama a dit « Ya Rasulallah » Il n'a dit cela que par crainte de mon malence. Tu l'as frappé alors qu'il répétait cela sans cesse. Alors qu'il était le bien-aimé, le fils du bien-aimé du prophète sallallahu. Au point où Zayd était appelé Zayd ibn Muhammad. Le père de Oussam était appelé Zayd, fils de Muhammad, avant qu'Allah je n'interdise cela. Et le prophète ne cessait de lui répéter cela. Lui, et à la fin, il a clôturé en lui disant: pourquoi est-ce que tu n'as pas ouvert sa poitrine pour voir s'il l'a dit avec le cœur? Pour lui montrer que comment toi tu juges les cœurs des gens? Comment tu juges l'intention des gens, hein? On peut juger un acte juste ou faux, mais l'intention derrière, laisse-la à Allah. C'est pour ça qu'Omar ibn al-Khattab, après la mort du prophète, dit: Qata'a al-wahyu, nahnu nahkumu ala wahyu. Il dit: la révélation s'est arrêtée, nous jugerons selon ce qui nous est apparent. Ce qu'Allah nous fait voir, on dit, on parle de ça. Ce qu'on ne voit pas, on le laisse à Allah. Soit chez nous, hein, si déjà chez nous on le laisse à Allah, qu'en est-il de autre que nous? Ensuite, quant à l'œuvre en soi, hein, l'œuvre en soi, la prière est meilleure que la zakat. Et la zakat est meilleure que le jeûne. Et le jeûne est meilleur que le hajj. Même si Ibn al-Qayyim rahimahullah fait une parenthèse, une jolie parenthèse dans Zad al-Ma'ad, il dit: le Jumu'ah, là, c'est une adoration hebdomadaire dans laquelle l'homme attrape ce qu'il a loupé dans sa semaine et dans laquelle l'homme met sa semaine auprès d'Allah. Ensuite, il vient et dit, le mois de Ramadan, hein, c'est une adoration. C'est une adoration annuelle. C'est une adoration annuelle. Par le biais duquel le serviteur met en réserve son année auprès d'Allah. Regarde les trampolines qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné dans l'islam. Fadlullah, fadlum min Allahi wa ni'ma. Wallahu alimul hakim. Ensuite il dit: le hajj, c'est quoi? C'est une adoration de la vie. Le serviteur met toute sa vie auprès d'Allah. C'est des occasions de se ressaisir. Allah Azza wa Jalla nous a donné jusqu'à la fin. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah veut vous accorder ce repentir. Wallahu yad'ukum ila dari salam. Et Allah vous invite aux demeures de la paix. Subhanallah. La ya kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba wa man ya'ba ya Rasulallah. Man ata'ani dakhala al-janna wa man 'asani faqad aba. Toute ma communauté entrera au paradis si ce n'est celui qui refuse. Qui est celui qui refuse au messager d'Allah? Celui qui m'obéit entrera au paradis. Celui qui me désobéit aura certes refusé. L'islam est facile, c'est les gens qui l'ont rendu compliqué. L'islam, il est facile, c'est les hommes qui l'ont rendu compliqué. C'est les hommes qui l'ont rendu compliqué. Donc ici, l'œuvre, les œuvres en elles ne sont pas pareilles. Même si elles sont du même degré, tout obligatoire. Ensuite, il y a une distinction entre leur statut obligatoire, sunnah. Les actes obligatoires sont meilleurs que les actes surés. Obligatoire. Ne te trompe pas. On voit des frères qui font beaucoup, ils se donnent beaucoup de peine dans des sunnahs, mais après tu regardes leurs obligations, ils sont manquants. Ça veut dire qu'ils se sont laissés tromper par le shaytan. Ensuite, selon le temps dans lequel l'œuvre est faite. Qu'est-ce dit Imam al-Ayyam? Al-amal salih fihinna habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ay ayyam al-ashr. Il n'y a pas des jours dans lesquels l'œuvre vertueuse ou pieuse est plus aimée, ne soit plus aimée auprès d'Allah, si ce n'est que ces 10 jours. Les 10 jours de Dhul-Hijja, c'est-à-dire c'est distingué. Laylatul Qadr, ainsi distingué. Jour du Jumu'ah, distingué. Et dans le Jumu'ah, depuis l'Asr jusqu'au Maghrib, distingué. Et ainsi de suite. Et le dernier tiers de la nuit, et mentionne Wala Haraj. Ensuite, selon le lieu, hein, une prière effectuée dans la mosquée que voici à Médine est équivalente à 1000 prières dans un autre lieu, si ce n'est la mosquée sacrée à la Mecque. Hein. C'est 100 000 prières à Mecque. C'est 100 000 prières au Haram. Tu pries une prière à la mosquée du Prophète, c'est comme si tu pries 1000 prières ici. Tu pries une prière à la mosquée. À la mosquée, Sainte Mosquée à la Mecque, c'est comme si tu pries 100 000 prières. Ensuite, selon la situation, selon l'état de la manière d'accomplir, le prophète Allah Azza wa Jalla dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. On sert très ici les croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière. Ou bien, selon la manière, le suivi, le degré du suivi du prophète صلى الله عليه وسلم, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ. Dit, si vous aimez réellement Allah, suivez-moi, Allah vous aimera. Ou bien, le degré de sincérité de la personne, l'homme recevra selon sa sincérité. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ. Et ainsi de suite. Et on tire aussi de ce verset-là deux noms parmi les noms d'Allah, As-Samia et Al-Alim. Al-Alim. L'audience ainsi que l'omniscient. Hada, subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, jazakumullahu khairan. Pas de questions, il n'y a pas de questions ce soir.